pas les couilles de la vie, tu me viens avec mon monstre en avis coup. J'rote la nuit où tu veux me tester, vas-y, j'crains pas les coups. Et on fait les bails, à la fume même d'ail. Des terres à faire les ailes, trop jaloux, les vrais le savent. Trop mon déçu, quand t'es trop pop, ça veut te monter dessus. J'aurais donné ma confiance à personne. Si j'avais su saouler, j'pense aux frères partis. On t'a fait pâtir, que la jalousie engraine les gens. C'est pour ça que chez moi rien que ça tire. J'te le dis jamais, mais j't'aime maman. J'ai vu qui t'aide quand ça va pas. On cache nos larmes quand on a mal. On traîne, on rit, on pleure. Trop de haine, on vit, on meurt. Trop de rêves me redonnent la force de tout niquer. Quand j'suis mal, je ne le montre pas. J'suis simple, je ne me montre pas. J'suis pas ton rappeur, moi. Je n'invente pas. J'ai vu des motos se lever, des potos se faire lever. Après le vol, y'a la dalle. Mes potes ils ont le sait, mais on le fait. C'est dur, j'fais pas le capot. Mon équipe parle pas trop. Ça me dit fait tourner des plans, des vols. Moi j'la fête sur le capot. Sur le capot. Sur le capot. Sur le capot. Yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo yo. Yo yo yo yo yo yo. Oh.